Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Oula, ça craque. Ça craque chez moi. Il y a quelque chose qui craque. Brad Scrotum. Salut, Mister Bass. C'est parti. Un truc qui craque. C'est quoi qui craque? Ah, c'est qui craque? Il y a un vrai bassiste qui vient d'arriver. Thank you. Thank you.